Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, vous m'entendez? Non, parce que d'abord, alhamdoulilah. Deuxièmement, parce que il y avait un bouton ici sur le micro qui était fermé. C'est pas qui a dû le toucher. Mouhim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما En cette soirée, بإذن الله عز وجل, du lundi 23 صفر 1429 de l'Hégire, qui concorde avec le 31 mars 2008, nous allons aborder le deuxième cours du tome 2. Le deuxième cours du tome 2 du fabuleux livre qui s'appelle Al-Aqida al-Wasitiya de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. On n'oubliera pas de remercier Allah Azza wa Jal qui nous a aidé à terminer le premier tome qui dépasse Bidna Azza wa Jal 400-500 pages et Bidna Azza wa Jal de commencer le deuxième. Je donne toutes mes salutations à ceux et celles qui ont assisté le premier, qui ont assisté le premier tome, et mes félicitations aussi, car Allah Azza wa Jal les a aimés, il leur a ouvert leur cœur et les a fait patienter pour qu'ils restent là en face d'un micro, en train d'entendre ce que Allah Ta'ala a dit, ce que son prophète alayhi salam a dit, ce que les salafs salih ont dit, ce que les savants ont dit, alors que d'autres passent leur temps à jouer, à plaisanter, et d'autres, a'oudou billah, à faire des péchés et des grands péchés. Donc c'est une faveur que Allah Azza wa Jal nous a donnée. On n'oubliera pas de le remercier jour et nuit, b'idhna Azza wa Jal. Avant de commencer le deuxième cours du deuxième tome, il faut faire vite une petite révision. Et normalement aujourd'hui, il n'y a pas Aqida, il n'y a pas Aqida, mais j'ai préféré faire Aqida pour deux raisons. La première, parce que j'ai vu que les sectes égarées ont commencé à bouger ces derniers temps, surtout la secte des Habash. Cette secte ces derniers temps ne dort pas du tout, et ne se laisse à elle-même aucun moment de répit. Elle est là jour et nuit à essayer de déformer ce qu'a dit Allah Azza wa Jal et à essayer de tromper les gens et de leur faire croire que ce sont eux les gens de la Sunna. Ce sont eux les gens de la Sunna et ce ne sont pas nous. Ce sont eux les gens de la Sunna. Naam. Donc, si eux, ils sont dans le faux et dans l'égarement et ils persévèrent comme ça et patientent, Masha'Allah, donc nous, on devrait aussi en faire autant, naam, si ce n'est pas plus. Pour parer à leur poison et pour parer à leur flèche empoisonnée qui rentre dans les cœurs de qui? Les cœurs des ignorants et les cœurs des nouveaux et des nouvelles sur le paltok. Donc, si nous on se tait, si nous on s'endort beaucoup, ils vont faire un ravage sur le paltok et sur le cœur des simples et des naïfs et des nouveaux et de ceux et celles qui n'ont pas de science, bi'idhnillahi azza wa jal. Ça c'est la première raison. La deuxième, c'est parce que il n'y a pas eu le cours aujourd'hui des repères de la sunna. Naam. Inch'Allah ta'ala, vous devez savoir que mon programme c'est quoi? C'est samedi, lundi, mercredi. L'officiel, samedi, lundi, mercredi. Et des fois j'ajoute jeudi et vendredi de peur que les habesh ne fassent leur dawah. À cause de temps en temps j'ajoute le jeudi et le vendredi. Sinon c'est chaque samedi, lundi, mercredi. Reste à dire quelles sont les matières Non, vous les saurez très bientôt. C'est sûr qu'il y a la Aqida al-Wasitiya, qui est le livre le plus important, car sans la Aqida, sans le dogme, on n'a pas de dîn, on n'a pas d'islam. Non, s'il n'y a pas la Aqida, il n'y a pas de dîn. Donc, ce livre qui est très important. Ensuite, il y a le deuxième livre qui est La personnalité de la musulmane, pour qu'on finisse, inshallah ta'ala. Ensuite, on devra revenir au. On va ajouter les règles du mariage. Et il y a beaucoup d'autres livres très intéressants qui nous attendent, inshallah ta'ala. Comme, bi'idhni ta'ala, Riyadus Salihin. Riyadus Salihin, on l'a commencé et on s'est arrêté. Naam. Il y a aussi la vie des prophètes, qui est très intéressant, inshallah, et on l'a commencé aussi. Et il y a aussi un livre que je vais commencer très bientôt, inshallah ta'ala, qui s'appelle Les ruses de Iblis, les ruses du shaitan. En arabe, Telbis Iblis. Naam. Comme ça, quand on connaîtra bien, on connaîtra à fond notre ennemi, on pourra l'éviter. Et il ne pourra pas avoir d'impact et d'influence sur nous. Car quiconque ne connaît pas son ennemi, il va le suivre. Il va même yani, en être yani, ébahi de lui. Il va dire, Masha'Allah, celui-là, Masha'Allah. Alors que c'est ton ennemi. C'est pour ça que Iblis, et le shaitan, si on ne le connaît pas bien, on ne connaît pas d'où il est venu, que fait-il, comment fait-il pour arriver à égarer, etc., on pourra le suivre. Mais si on le connaît bien, on le connaît bien en lisant le livre, Les ruses du shaitan, alors là, inshallah ta'ala, on pourra s'en préserver, s'en écarter. Je demande à Allah Azzawajal qui nous aide. Donc, le titre du premier dars, c'était quoi? Faslun fi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ça parlait de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et je vous rappelle qu'on avait dit que la sunna avait un sens linguistique et étymologique, et avait un sens aussi dans la charia. Un sens, naam, si je puis dire, j'ai oublié comment on dit mustalah, mais il a un sens aussi dans quoi? Dans la charia et en islam. On avait dit qu'en islam, naam, son sens, c'est quoi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hiya qawluhu wa fi'luhu wa iqraruhu. C'est quoi la sunna? Jamais, jamais on vous demande, on vous pose cette question. On vous dit, c'est quoi la sunna? Vous dites, nous, on suit le Coran, la sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est quoi la sunna? Tu dis la sunna, c'est tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, est-ce que musulman, qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu quelque chose? Musulman, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Ah, qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu quelque chose? On a une voix toute bizarre. Ah, non. Une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde. Une seconde. Parce que. Une seconde, inshallah ta'ala. Oui. Oui. Je dis une fois, une autre fois. Salam alaikum wa rahmatullah. Je disais, si on vous demandait c'est quoi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez dire c'est tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tout ce qu'il a fait, ou bien tout ce qu'il acquiesce. Donc il y a trois choses. Donc il y a trois choses. Tout ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a fait, c'est tout ce qu'il fait sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qu'il acquiesce. Bon, tout ce qu'il dit, c'est clair. Tout ce qu'il fait aussi, c'est clair. Naam. Et tout ce qu'il acquiesce, c'est-à-dire que des fois on fait des choses devant lui et il se tait, et des fois on dit des choses devant lui et il se tait. Ça s'appelle l'acquiescement. Est-ce qu'on fait devant lui, ou bien on le fait, ou bien on le dit? Dans les deux cas, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit quelque chose devant lui et il se tait, ça veut dire que cette chose, naam, n'est pas fausse, n'est pas haram. La même chose pour si on fait quelque chose devant lui. Si on fait quelque chose devant lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne te dit rien, ça veut dire que cette chose n'est pas haram. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la règle c'est quoi? Jamais on ne dit quelque chose devant lui ou bien on ne fait quelque chose devant lui et elle est haram et il se tait. Car il a été envoyé par Allah Azza wa Jalla comme ambassadeur entre lui, exalté soit-il, et les créatures, et ces créatures, il a été envoyé comme ambassadeur pour leur apprendre le din. Pour leur apprendre le din. Donc, si tu dis quelque chose de faux, il faut qu'il te dise non. Si tu dis quelque, tu fais quelque chose de faux, il te dit non. Vous vous souvenez, par exemple, vous connaissez l'homme, par exemple, qui a dit Masha Allah wa shi'at. Masha Allah wa shi'at. Que Allah Ta'ala yani, veuille et toi. Et toi, le prophète. Quand c'est faux, que lui a dit le prophète alayhi salam, ne dis pas que Allah Ta'ala veuille et moi. Ne me mets pas au même pied d'égalité. Mais dis que Allah Azza wa Jalla veuille, lui, pas moi. Ou bien on ajoute Summa, Summa, Summa Anta. Mais on n'est pas, on ne met pas Allah Ta'ala et le prophète alayhi salam sur le même pied d'égalité. Vous voyez, quand quelqu'un dit quelque chose de faux, il lui montre. Ou bien il voit quelque chose. Il voit quelqu'un en train de faire quelque chose de faux aussi, il lui corrige. Mais si on fait quelque chose devant lui, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on dit quelque chose et il se tait, alors cette chose que une autre personne vient de faire ou bien vient de dire, cette chose elle-même ou bien cette parole elle-même ou bien cet acte elle-même devient une sunna. Et pourtant, on dira, c'est pas le prophète qui l'a dit, ni le prophète qui l'a fait. Comment c'est devenu sunna? C'est devenu une sunna par acquiescement. Par acquiescement. Il a entendu quelqu'un parler et il ne lui a pas corrigé. Il a vu quelqu'un faire quelque chose et il ne lui a pas corrigé. Donc c'est devenu une sunna. Est-ce une sunna de l'acte, c'est-à-dire de faire, ou bien une sunna de dire? On va dire non, c'est une sunna d'acquiescement. Je donne un exemple où on a dit quelque chose devant lui et il s'est tu. Naam. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé une bergère. Il lui a dit, où est Allah? Elle a dit, Fissama, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, tu t'es trompé. Il s'est tu. Mieux encore, il a dit à son propriétaire, cette esclave, c'est une quoi? C'est une croyante. Affranchie-la. Il lui a dit, où est Allah? Elle a dit, au-dessus des cieux. Il a dit, qui suis-je? Elle a dit le prophète. Il lui a dit alors, affranchis-la, c'est une croyante. Donc, le fait de dire que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux a été entendu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire par une bergère, il lui a pas dit c'est faux, taqillah, il ne faut pas dire comme ça. Bien au contraire, il a acquiescé, il a approuvé et il a dit à son propriétaire, affranchis-la. Donc ceux qui de nos jours, spécialement les Habash et les Asha'ira et les autres, qui disent que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux, ce n'est pas lui qui est au-dessus des cieux, c'est sa rahma, c'est sa miséricorde, ou bien c'est sa puissance, ou bien je ne sais pas quoi, qui est au-dessus des cieux, et ce n'est pas Allah, on va lui dire donc de deux choses l'une. Naam, de deux choses l'une. Ou bien, vous connaissez la religion mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Lui, il a dit il est au-dessus des cieux, mais le Coran, bien sûr, c'est plein de versets en ce sens. Et vous, vous dites il n'est pas au-dessus des cieux. Donc, il y a deux choses l'une. Ou bien vous connaissez la religion mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on va vous suivre et on va délaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car vous connaissez la vérité mieux que lui. Ou bien, la deuxième, deuxième cas de figure, ou bien vous êtes dans l'égarement jusqu'au cou, ou bien vous êtes noyé dans l'égarement et l'innovation et la bid'a. Et bien sûr, c'est le deuxième cas de figure qui est vrai. Ceux qui disent que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux sont noyés dans l'égarement, ou bien ils sont quoi? Ils sont des ignorants, ils n'ont pas encore appris le din. Celui-là, c'est moins grave. Il dit, je ne savais pas que Allah Ta'ala était au-dessus des cieux. Je croyais qu'il était partout. j'ai entendu ma grand-mère et mon grand-père dire que Allah Ta'ala était partout, alors je les ai imités. Depuis mon enfance, je dis Allah Ta'ala est partout. Et Alhamdoulilah, vous venez de m'apprendre qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. C'est ça le dogme des salafs et des prédécesseurs. Non. Ou bien alors, il dit non, je ne reconnais pas ça. Il est partout, il n'est pas au-dessus des cieux. Alors là, il sera dans l'égarement jusqu'au cou. Et beaucoup, beaucoup de savants ont dit que s'il ne reconnaît pas, si le musulman ne reconnaît pas que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, il est devenu kafir. Beaucoup de savants disent que s'il ne sait pas, si on lui dit où est Allah, il dit je ne sais pas, ou bien il dit il est partout, ils ont dit il est devenu kafir. Mais nous, alhamdoulillah, on ne rend pas les gens kafir comme ça facilement de nos jours. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que maintenant, l'ignorance est partout. On n'a pas appris le dîn, on est rentré en islam âgé, personne ne nous a appris, on ne vit pas avec des savants, etc. Donc on ne va pas vite dire à quelqu'un qui dit je ne sais pas où est Allah, ou bien qui dit il est partout, on ne va pas lui dire vite tu es kafir. Comme a dit un innovateur, un grand innovateur, avant-hier, dans une salle des Habesh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quiconque dit que Allah Ta'ala a un visage, c'est un kafir. Regardez, quiconque dit que Allah Ta'ala a un visage, c'est un kafir. Moi, je lui ai répondu, quiconque dit qu'il n'a pas un visage, c'est lui le kafir. Voilà, celui qui dit qu'il n'a pas le visage, c'est lui le kafir parce qu'il a démenti le Coran. Le Coran a dit, il restera le visage de ton Seigneur. Et celui-là dit, non, il n'y a pas de visage. Allah Ta'ala n'a pas de visage. Al-Muhim, qu'Allah Azza wa Jalla nous apprenne notre religion, car nous sommes très loin. Qu'Allah Azza wa Jalla nous apprenne notre religion. Mais le malheureux, c'est quoi? C'est que certains ont les moyens et la capacité d'apprendre et ne veulent pas apprendre. Certains, beaucoup même, ont les moyens et la capacité d'apprendre et ne veulent pas. Le shaitan est là, au-dessus de leur cœur, et il s'est mis comme entrave, une bûche entre eux et entre la quête de la science, subhanallah. Et il est là, il leur dit, subhanallah, demander la science, ce n'est pas obligatoire. Comment? Sinon tout le monde va devenir un savant. Alors, où sera le mécanicien et le boulanger et le médecin et l'agriculteur? Donc il n'y aura pas cela si tout le monde va demander la science. Et puis toi, tu es une sœur, tu es là avec les enfants, le ménage, tu épluches les pommes de terre, ça te suffit, tu as fait l'essentiel, tu n'es pas obligé d'apprendre la science. Non. Et comme ça il dit, et il dit aussi d'autres choses qu'on verra inshallah ta'ala lorsqu'on lira les ruses du shaitan, lorsqu'on lira les ruses du shaitan. Donc je disais que le malheureux, c'est que certains ont les moyens et s'en éloignent. Cela, bien sûr, c'est plus grave pour eux demain quand ils vont rencontrer Allah Azzawajal. C'est plus grave pour eux. On leur dira, qu'est-ce que vous faisiez de votre temps libre? Qu'est-ce que vous faisiez de votre temps libre? Vous savez que personne, comme c'est dans le hadith authentique, personne ne bougera les pieds demain, le jour de la résurrection. Quand on rencontrera Allah Ta'ala, on sera tous debout, tous nus, femmes et hommes nus, debout, et personne ne bougera un pied jusqu'à ce qu'on nous demande quatre choses. Entre autres, entre les quatre, qu'est-ce qu'on va nous demander? Qu'est-ce que vous avez fait de votre temps libre? Qu'est-ce que vous avez fait de votre temps? Naam. Heureux celui qui répondra, Ya Allah, je passais ma plupart de mon temps à essayer de te connaître, à essayer d'apprendre ta religion, à essayer de me rapprocher de toi, à essayer de faire mon possible pour rentrer dans ton paradis, à essayer de faire mon possible pour m'éloigner de ton enfer. Allah Ta'ala alors agréa cette personne, sera ravi d'elle et la fera rentrer à son paradis. C'est lui Al-Ghafour Al-Rahim. Et malheur à malheur, malheur et grand malheur à celui qui dira je passais mon temps à écouter des chansons et à suivre la mode, naam, et à suivre X ou Y qui m'a dévié du chemin. Naam, malheur à celui-là et grand malheur. Allah Ta'ala t'a donné un temps comme ça libre, tu ne veux pas apprendre la religion. Tu passes ton temps à jouer, à plaisanter du matin au soir. Naam. malheur à toi demain quand tu vas rencontrer Allah Ta'ala qui ne t'a créé que pour l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Jamais tu ne pourras l'adorer si tu n'as pas de science. Car nous, non seulement on adore Allah, mais on l'adore avec sa législation. On l'adore avec le Coran et la Sunna, d'après la compréhension des salafs. On ne l'adore pas avec les innovations. On ne l'adore pas avec notre niya. On dit, Alhamdulillah, ça me suffit, j'ai une bonne intention. Comme beaucoup de gens disent, toi, pourquoi tu n'apprends pas ta religion? Ouf, l'essentiel, c'est que ce qu'il y a dans les cœurs. Naam, c'est pas la science qui compte. L'essentiel, c'est la bonne intention. Elle est dans le cœur. Naam, la bonne intention suffit. Si vraiment tu avais la bonne intention dans le cœur et la sincérité, alors tu aurais demandé la science, qui est une obligation. Sah ou la mèche sah. Si vraiment tu étais sincère, tu aurais suivi Allah Ta'ala qui t'a dit dans le premier verset, Iqra, apprends, lis. Et le prophète Ali qui a dit, la quête de la science est une obligation pour chaque musulman. Et dans la musulman, rentre la musulmane. Naam. Alors comment tu es sincère et tu n'obéis pas à Allah Ta'ala et à son prophète. Naam. Alors si on dit Allah Ta'ala connaît ce qu'il y a dans les cœurs, d'autres personnes te diront, l'essentiel mon frère, je ne suis pas un criminel. Naam. Je ne vole pas, je ne fais pas la zina, je ne tue pas les gens, et comme disent d'autres, je ne brûle pas les mosquées. Alhamdulillah. Naam, l'essentiel est dans le cœur. Et plus grave, ceux qui disent, moi au moins, naam, je n'applique pas, je n'ai pas le djilbab, mais je ne fais pas comme font celles qui ont le djilbab. Et moi, je n'ai pas la barbe et le kamis, mais je ne fais pas comme ceux qui ont la barbe et le kamis. Ils calomnient, ils font la médisance, ils mentent, etc. Naam. Celui-là, bien sûr, celui qui dit comme ça, le shaitan s'est assis sur son cœur et l'a rusé. Il lui a dit, si tu dis comme ça, tu vas triompher sur eux. Toi, au moins, alhamdoulilah, tu n'as ni la barbe, ni le kamis, mais alhamdoulilah, toi, tu ne fais pas comme eux. Tu es mieux qu'eux. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là? On dit à la première personne qui dit Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs et l'essentiel, c'est la bonne intention. On lui dit alors, ne fais pas aussi la prière. Ne fais pas la prière et dis Allah Ta'ala sait que dans mon cœur, j'ai envie de faire la prière. Ne va pas au hajj. Ne va pas au hajj. Ne va pas au pèlerinage. Et dis Allah Ta'ala sait que j'ai l'intention dans le cœur de faire le pèlerinage. Il va t'excuser. Et ne fais pas le jeûne du Ramadan. Il dit, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Naam. Moi, pendant le Ramadan, je fume et je mange et je dis, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Comme ça, on dit à la première catégorie, comme celle qui ne met pas le djilbab et reste dévoilée devant les hommes et dit, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et on dit à la deuxième catégorie qui dit, moi je n'ai pas la barbe, et l'autre dit moi je n'ai pas le djilbab, mais je suis mieux que celle qui a le djilbab et qui fait la médisance, je suis mieux qu'elle. On dit à cette catégorie, tu n'es pas mieux qu'elle. Naam. Elle, au moins elle a essayé d'adorer Allah Ta'ala en faisant une chose obligatoire qui est le djilbab, et elle a fait la faute de faire la médisance. Naam. Mais toi, pour être mieux qu'elle, il faut que toi aussi tu mettes le djilbab et tu ne fais pas la médisance. Ce n'est pas seulement je ne médis pas, je suis mieux que l'autre. Non. Mais et fais ce que Allah Ta'ala t'a dit et éloigne-toi de ce qu'il t'a pas dit, de ce qu'il t'a dit de ne pas faire. Mais comme cette sœur, mets le djilbab comme elle et ne médis pas, il ne fait pas la médisance. Et non pas le contraire. Naam. Tout ça c'était pour dire quoi? On revient, on était où? On était à quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend quelqu'un dire quelque chose, il acquiesce. Comme ici, il a entendu la femme, la bergère dire Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Et des fois j'ai dit que il voit quelqu'un en train de faire quelque chose et il le laisse, il lui dit pas cette chose que tu fais est fausse. Donc là aussi, ça devient une sunna par acquiescement. Comme par exemple, il a vu quelqu'un après la salat sobh, il l'a vu en train de faire la prière surrogatoire du fajr. Quelqu'un dans la mosquée est arrivé, il a trouvé des gens en train de faire la prière du sobh. Donc il ne peut pas faire la nafila, il ne peut pas faire salat al-fajr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré avec les gens, il a fait salat al-sobh. Quand il a terminé, il est allé dans un coin seul et il a commencé à faire salat al-fajr, c'est-à-dire dire avec le prophète a.s.w. l'a questionné, il lui a dit: tu fais salat al-sobh 4? Salat al-sobh on l'a fait tout à l'heure 2, c'est pas 4. Il lui a dit: non ya Rasulallah, non, j'ai pas fait salat al-fajr, celle qui vient après, je suis en train donc maintenant de la faire, c'est une dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, il n'a rien dit. C'est un hadith authentique rapporté par l'Albani dans Sahih al-Bidaoud al-Tirmidhi. Donc c'est devenu Taribat al-Fajr. Naam. Donc c'est devenu une sunnah. Le fait de quoi? Le fait de faire de faire Taribat al-Fajr après Salat Subh, juste après Zen. Dès que je termine Salat Subh, naam, je fais Subhanallah, Subhanallah, etc., les évocations, et je me lève et je fais Taribat al-Fajr. Sinon, qu'est-ce que je fais? J'attends jusqu'à ce que le soleil se lève bien pour pouvoir la faire. Donc vous voyez, le prophète alayhi sallam a vu quelqu'un faire quelque chose et il l'a laissé. En le laissant, c'est devenu une sunna d'acquiescement. Qu'est-ce qu'il a laissé par exemple aussi le prophète sallallahu alayhi sallam faire des gens? Je donne un exemple. Il a vu une fois Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, l'une des épées d'Allah Azza wa Jal, sauf min suyufullah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, l'une des épées de Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il a vu en train de faire? En train de manger quelque chose qu'on appelle ad-dab. Quelque chose qu'on appelle ad-dab. Vous savez ce que c'est ad-dab? Afwan. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est une forme de lézard. Vous connaissez le lézard, mais beaucoup plus grand, qui peut faire jusqu'à, par exemple, 30 cm, 40 cm. Naam, on le trouve dans le sable. On marche dans le sable en plein Sahara, on le trouve des fois au bord de la mer aussi. Il fait jusqu'à 40 cm. Il ressemble exactement au lézard. Naam, il court vite, etc. Dans certaines maisons, je l'ai vu, cet animal. Quand j'étais jeune, comme ça, dans certaines maisons de nos grands-pères, ça, ils ouvraient son ventre et mettaient à l'intérieur de la paille, etc. Et ils le mettaient comme ça, et une parure sur le mur. Comme ça, on l'accroche sur le mur comme une parure. Al-Ghuraba, est-ce que vous voyez ce qu'est le dab? Ici, on me dit, c'est une tarente. La tarente, voilà comment on m'a écrit, tarente. C'est ça? Naam, dab. Alhamdulillah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Khalid ibn al-Walid en train de manger la tarente, une tarente. Qu'a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: quant à moi, je n'en mangerai pas. Parce que a'afuhu. A'afuhu. Comment vous dites a'afuhu? Là on dit a'afuhu, je ne peux pas le manger, c'est-à-dire si je vais le manger, je peux pas, ou bien je vais vomir, quelque chose comme ça. C'est pas ça. Ghuraba. Mais c'est proche. Taïb, vous avez compris, comme un lézard. Attention. Ah voilà, c'est dégoûtant. Attention, quand vous me donnez un mot, soyez-en sûr. Parce que maintenant, si c'est pas la tarente, ça risque de tout changer. Non, après, les gens vont dire, il a dit la tarente, c'est haram, c'est pas haram. Naam. C'est un iguane, je crois que c'est un iguane. Naam. Je crois que c'est un iguane, c'est plus proche. Naam. C'est un iguane, exactement. Ça ressemble à un lézard, c'est un peu plus grand. Al-Muhim, qu'a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: je le trouve dégoûtant, je ne le mange pas. Mais sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il laissé Khalid ibn al-Walid le manger ou bien il lui a dit arrête de manger, c'est haram? Il l'a laissé en train de manger. Donc on comprend de, par cela que manger l'iguane n'est pas interdit. Manger l'iguane n'est pas interdit. Par quel délit? Par la sunna de l'acquiescement. Par la sunna de l'acquiescement. Le prophète al-Islam a vu quelqu'un, Khalid ibn al-Walid, en train de le manger et a acquiescé. Il ne lui a pas dit c'est interdit. El Mouhim. On avait dit tout ça, c'était la sunna. Deuxièmement, on avait dit que, pardon, nous sommes toujours dans la révision, il faut aller maintenant un peu vite. Il a dit, c'est la deuxième référence. Vous savez, la sunna, c'est la deuxième référence. C'est-à-dire que, après le Coran, on a la sunna. Naam. Une seconde ici. Naam. Pourquoi on dit à la sunna? Parce que, naam, parce qu'il y a des gens qui, jusqu'à de nos jours, disent que on n'est pas obligé de suivre la sunna. On ne suit que le Coran. Naam, raghibat al-fajr, al-ghuraba, ce n'est pas moi qui dis. C'est toi ou bien muslim? Donc moi je n'ai pas l'habitude d'employer ce mot. Est-ce que tu veux dire maintenant le roi avec eux? Quand on se réveille le matin, on va faire deux salats. On va faire la première salat qui s'appelle Sunnat al-Fajr. Et certains l'appellent Raghibat al-Fajr. C'est deux rak'at. Où on va lire avec Qul ya ayyuhal kafirun, on va lire avec Qul huwallahu ahad. Ce n'est pas obligé, mais c'est comme ça la sunna. C'est surérogatoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on fait l'iqama, Allahu akbar, Allahu akbar, qam salat. Et on fait quoi? On fait salat subh. Donc la sunna qui est avant s'appelle sunnat al-fajr, il s'appelle raghibat al-fajr. Et même dans certains hadiths, elle s'appelle aussi salat subh. Elle s'appelle aussi subh. Mais nous, pour différencier, on va dire sunnat al-fajr et salat subh. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait suivre le Coran et la sunna? Pourquoi on ajoute aussi la sunna? Pour vous dire que il y a une secte. Il y a une secte. Je ne vais pas dire égarée, mais je veux dire que cette secte, c'est une secte de kuffar. Même si eux, ils disent on est musulmans. Cette secte s'appelle les Qur'aniyoun. Vous voyez, c'est écrit devant vous. Elle s'appelle les Qur'aniyoun. Ça vient du mot Qur'an, Coran. Ça veut dire, ils disent, nous, on suit seulement le Coran. On suit pas, naam, on suit pas la sunna. On va leur dire, pourquoi vous suivez pas la sunna? Ils disent, parce que la sunna, il y a des hadiths qui sont faibles, il y a des hadiths qui sont authentiques, et on sait pas. On sait jamais, on va se baser sur un hadith alors qu'il est faible. Mais en prenant seulement le Coran, tu es sûr que tu es dans le juste. Car tout le Coran est authentique. Il n'y a pas un verset qui n'est pas d'Allah Azza wa Jal. Mais le hadith, non. Il est possible que le hadith ne soit pas du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, qu'il ait été fabriqué ou menti. Alors si tu prends le Coran, tu es sûr que tu es dans le juste. Et nous on dit, si tu prends seulement le Coran, tu es sûr que tu vas rentrer en enfer pour ne plus en ressortir. Naam. Si tu suis seulement le Coran, tu meurs, tu vas rentrer en enfer éternellement, éternellement, éternellement, ne jamais en ressortir. Pourquoi? Parce que tu as démenti qu'il fallait suivre la sunna. Alors le Coran lui-même, que toi tu es en train de suivre, toi tu dis je suis le Coran lui-même que tu es en train de suivre, t'a dit dans des dizaines de versets, si ce n'est pas des centaines, il te dit obéissez au prophète. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Dites, obéissez à Allah, obéissez à son prophète. Il a dit, alladhina yattabi'un an-nabiy al-ummiya, et ceux qui suivent le prophète, le messager, le prophète, l'ummi, l'analphabète. Il a dit, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un yuhibbukum Allah. Dites, si vous prétendez que vous aimez Allah, alors suivez-moi. Moi, c'est le prophète. Suivez-moi, Allah Ta'ala vous pardonnera vos péchés. Donc conclusion, ceux qui disent que on suit seulement le Coran, ce sont des kuffars. Les kuffars, il n'y a pas sans hésitation. Naam. Et par malheur, ces coranites-là ont des sites dans l'internet. Ils ont des chaînes de télévision. Vous connaissez peut-être ceux de vous qui ont beaucoup de chaînes. Vous connaissez la chaîne qui, attendez, comment elle s'appelle? Je crois qu'elle s'appelle Muhammadiyah, quelque chose comme ça. Muhammadiyah. Naam. C'est une chaîne spécialement des coranites. Ils disent qu'il n'y a pas la sunna, il y a seulement le Coran. Que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et ya Allah, alhamdulillah, alladhi hadana li hadha. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Azza wa Jal. Donc, les dalils qui disent et montrent qu'il faut suivre la sunna, bien sûr, sont nombreux et multiples. Entre autres, les versets que je viens de citer. Et entre autres aussi quoi? Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Regardez ce hadith, je crois qu'il est même là. Naam, il est là, le hadith, alhamdoulilah, rapporté par Ahmed Abu Dawud Tirmidhi, le hadith sahih. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez ce qu'il a dit. La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yatihi al-amru min amri yaqul la nadri ma wajadna fi kitabillah tab'anah ala wa inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. Voyez ce qu'a dit le prophète alayhi sallam. Il a dit, je ne veux pas, mais je veux pas entendre qu'on me dise que non, que je trouve l'un de vous adossé sur son fauteuil. Masha'Allah, adossé sur son fauteuil. Qu'est-ce qu'il dit? Ma sunna lui arrive, mon hadith lui arrive, et qu'est-ce qu'il dit celui-là adossé sur son fauteuil? Il dit, je ne sais pas. On lui dit, le prophète a dit, il dit, je ne sais pas. Ce qu'il y a dans le Coran, je le prends. Naam, ce qu'il y a dans le Coran, je le prends. Mais le hadith, non. Ou bien, je ne sais pas. Ensuite, qu'a dit le prophète alayhi salam? Il a dit, ala wa inni utitu kitaba wa mithlahu ma'ahu. Il a dit, ne savez-vous pas que Allah Ta'ala m'a donné le livre, c'est-à-dire le Coran, et la même chose avec lui. La même chose, c'est quoi? C'est la sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que vous sachiez, n'est pas venu avec le Coran seulement d'Allah, mais il est venu aussi avec la sunna d'Allah Ta'ala. Car la sunna, c'est quoi? D'où elle est venue? La sunna, c'est quoi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est assis et commence à inventer des choses. Jamais le Coran a dit la yantiqu anil hawa. Il ne parle pas sous l'effet de passion. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit un mot que c'est Allah Ta'ala lui dit de dire ce mot par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Non, mais des fois par ilham. Mais jamais il ne dit quelque chose, non, qui n'est pas conforme avec ce que veut Allah Azza wa Jal. Tayyib. Et dans un autre hadith, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ala inna ma harram Rasulullah mithlu ma harram Allah. Il a dit, n'est-ce pas que ce que Allah Ta'ala a dit, c'est haram, ce que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, c'est haram, c'est illicite. Il a dit, c'est comme ce qu'a dit Allah Ta'ala. Naam. Si le prophète alayhi salatu wasalam a dit, cette chose est haram, c'est comme si Allah Ta'ala a dit, c'est haram. Si le prophète alayhi salatu wasalam dit, cette chose est permise, c'est comme si Allah Ta'ala a dit. C'est son ambassadeur. Il ne dit que ce que veut Allah, ce que aime Allah Azza wa Jal. Naam. Et pour terminer, nous sommes toujours dans la révision. Pour terminer, je vous ai dit que suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement important que Sheikh Al-Albani Allah yarhamo a dit que le hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen et lui a dit, avec quoi tu vas juger les gens? Il a dit, je vais juger avec le Coran. Et lui a dit, et si tu trouves pas, salam barakatou, Allah yassalam ou ktatayib, jazakallahu khair. Ana ma ftaht lakch khatrani fi dars. Non. طيب je disais que le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait envoyé quelqu'un au Yémen. Il a envoyé quelqu'un au Yémen, c'est Mu'adh ibn Jabal, si je ne me trompe pas, et lui a dit, avec quoi tu vas juger? Il a dit, je vais juger avec le Coran. Et il lui a dit, si tu ne trouves pas, par exemple le verset avec le, sur lequel tu dois te baser, tu vas juger sur quoi? Il a dit, alors je vais juger sur la sunna. Et le hadith est long. El Mohim, ce qu'on veut de ce hadith, c'est que ce hadith, Cheikh Al-Albani a dit, n'est pas authentique. Pourquoi il n'est pas authentique, d'après Cheikh Al-Albani? Il a dit, parce que ce hadith fait la différence entre le Coran et la sunna. Il lui a dit, avec quoi tu vas juger? Il a dit, je vais juger d'abord avec le Coran. Et si je ne trouve pas, je vais juger avec la sunna. Cheikh Al-Albani a dit, c'est impossible. Le Coran et la sunna sont à pied d'égalité. On ne peut pas dire, attendez, je vais chercher dans le Coran, ensuite, si je ne trouve pas la réponse, je vais chercher dans les hadiths. C'est pas vrai. Les deux marchent ensemble. Ils marchent ensemble. La sunna ne vient pas après. Ils marchent les deux ensemble. Mieux que cela, mieux que cela, et c'est plus étonnant que cela, et vous allez comprendre où se trouve l'étonnement facilement. Vous allez comprendre où se trouve l'étonnement. C'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que je pensais à autre chose. Le plus étonnant, c'est que le grand savant Ibn Hazm al-Andalusi, celui qui a le livre Al-Muhalla, il a le livre aussi qui s'appelle Mujalla, et il a le Milal wal-Nihal, il a beaucoup de livres. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si jamais une personne avait une question à poser, ensuite cette personne irait chez un savant et lui demanderait la réponse à sa question, et que le savant dirait, par exemple, je donne un exemple là, voilà, je donne un exemple que Ibn Hazm n'a pas donné, mais pour que vous compreniez mieux, l'exemple est de moi, pour ne pas mentir sur le savant. Par exemple, il a dit, quelqu'un va chez un savant et il va lui dire, par exemple, est-ce que manger la chair du cheval est licite en islam ou bien c'est interdit? Il a dit, par exemple, il va te dire, c'est interdit. Tu lui diras, pardon, monsieur le savant, vous vous êtes basé sur quoi pour me dire cela? Il te dira, je me suis basé sur un verset. Par exemple, je me suis basé sur un verset. Il a dit, ensuite, cette même personne va aller chez un deuxième savant. Elle va dire, quand j'ai entendu le premier, il m'a dit que c'était interdit, j'ai des doutes, je ne suis pas très convaincu. Je vais retéléphoner à un deuxième savant. Il a dit. Alors, quand cette personne a demandé au deuxième savant, que dit l'islam sur le fait de manger la chair de cheval, la viande de cheval, le savant a répondu, c'est permis. C'est-à-dire, tout à fait l'opposé de ce qu'a dit le premier. Il a dit, c'est permis de manger la viande de cheval. Alors, le questionneur a dit, pardon, puis-je savoir sur quoi vous êtes-vous basé? L'autre a répondu, je me suis basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on a mangé de la viande au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith de Asma, dans le Bukhari, on a dit on a mangé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout à l'heure, ça fait seulement un quart d'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, quand on fait quelque chose devant le prophète alayhi wa sallam et il nous laisse faire, c'est quoi? C'est de la sunna par acquiescement. Al-Muhim, Ibn Hazm, le grand savant, a dit, dans ce cas où cette personne a demandé à deux savants, a posé la même question à deux savants, le premier a dit, c'est interdit en se basant sur le Coran. Le deuxième a dit, c'est permis en se basant sur le hadith. Il a dit, on doit prendre de l'avis de celui qui s'est basé sur le hadith et non pas de celui qui s'est basé sur le Coran. Allahu Akbar. Regardez les ulama. comment ils voient. Regardez les savants comment ils voient. Pourquoi vous allez me dire? Pourquoi vous allez me dire? Subhanallah. Je ne prends pas avec le Coran, je prends avec la Sunna. Comment ça? Le hadith est plus fort que la Sunna. Le hadith, il peut être plus fort que le Coran, pardon. La réponse est très simple. La Sunna. Quand le prophète, alayhi sallam, dit quelque chose, est-ce qu'il peut dire une chose qui contrarie le Coran? Est-ce que le prophète, alayhi sallam, peut dire une chose, peut dire un hadith où il rentre en contradiction avec le Coran? Sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il peut faire une chose pareille? C'est impossible. Le Coran a été descendu sur son cœur, sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de Jibril. Personne ne connaît le Coran mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment se fait-il qu'il ait dit quelque chose qui apparemment se contredit avec le Coran? Donc il n'y a pas de contradiction. Mais le savant qui s'est basé sur ce verset ici s'est trompé, c'est tout. Il ne connaît pas le hadith où par exemple il y a la permission de manger par exemple la viande cheval. Le savant ne le connaissait pas, il ne connaît pas ce hadith. C'est pour ça que par exemple il s'est basé sur un verset. Naam. Comme là entre parenthèses je dis une chose, comme ceux qui de nos jours se basent sur un verset, justement ça tombe bien, c'est l'exemple, ils se basent sur un verset comme quoi on ne peut pas manger la viande de cheval. Naam. Tu lui dis pourquoi on ne peut pas la manger, il te dit un verset. Tayyib, donne-moi le verset. Il va te dire Allah Ta'ala dit dans le Coran والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les chevaux, les mules, الخيل والبغال والحمير, et les ânes pour que vous les montiez. Ce sont des montures. Et zina, c'est une parure. Alors où est la preuve que ça se mange par le cheval? Eh bien il va te dire, tu vois pas ce qu'a dit Allah? Il a dit le cheval, la mule et l'âne, ce sont des montures et c'est une parure. Il n'a pas dit ça se mange. Si ça se mangeait, il l'aurait cité. Il a dit non, c'est une monture pour que tu y montes et pour que zina, la parure, le cheval, tu vas le décorer, mashallah, il va être très beau. Vous voyez comment certains se déforment le sens sans le vouloir. Nous, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire la réponse est de deux côtés. Premièrement, il y a un hadith où il est dit que Allah Ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit comment il s'appelle le zèbre. C'est un cheval qui a quoi? Qui a des rayures noires et blancs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit le zèbre et nous a permis le cheval. C'est un hadith authentique. Et deuxièmement, le hadith de qui? De Esma, où elle a dit on a mangé le cheval au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lui dire il y a deux hadiths qui te contredisent. Et on va lui dire, quant à ton verset où il a été dit les chevaux, les mules et les ânes pour que vous les montiez pour l'apparat, on va leur dire naam, Allah Ta'ala n'a pas parlé de est-ce que ça se mange ou ça se mange pas. Il n'a pas dit cela. Si moi je dis pas ça se mange parce que ce n'est pas cité dans le verset, toi aussi tu ne dis pas ça se mange pas parce que ce n'est pas cité dans le verset. C'est cité seulement monture et parure. Et on va lui dire autre chose. Si d'après toi le cheval ne se mange pas parce qu'il n'a pas été cité dans ce verset. Le cheval ne se mange pas parce que il n'a pas été cité dans ce verset que ça se mange. On va lui dire donc d'après ton raisonnement le cheval ne se vend pas. Il est interdit de vendre le cheval d'après toi. Il va dire pourquoi? On va lui dire parce que Allah Ta'ala n'a pas cité dans ce verset que le cheval se vendait. Il a cité seulement que on le montait et on le prenait pour parure. Donc d'après toi, le pseudo savant, d'après toi donc, le cheval ne se vend pas aussi. Et s'il dit le cheval ne se vend pas, celui-là c'est vraiment un égaré, un ignorant. Il ne sait pas que le cheval se vend. Tayyib. Maintenant, on a terminé la révision. Tout ça c'était la révision. une heure de révision. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Aqida. C'est pour ça que yani, il fallait bi-idhna cette révision. Maintenant, on va ajouter quelque chose, inshallah ta'ala, et on va pas aller loin, on va s'arrêter. Non, attendez, je vais réfléchir si j'ajoute ou bien je m'arrête. Une seconde. Taïb, je préfère m'arrêter bi-idhnillah azza wa jal, parce que non, le dars c'est un peu long, et pour ne pas vous compliquer les choses, pour ne pas vous compliquer les choses, je préfère m'arrêter ici. Taïb, je vais demander aussi l'avis de muslim de muslim et de ghuraba. Non, vous me dites si je continue ou bien si j'arrête pour passer à quelques questions. Car si je continue, je ne donne pas de questions. Naam, jazakallahu, cher. Naam, mais j'ai pas compris. Si ça veut dire arrêtez-vous, ça veut dire continuer. Car vous représentez ceux qui sont en train d'entendre. Pour savoir si vous êtes déjà saturé. Là, tayyib. Donc, on passe, inshallah ta'ala, à quelques questions. Tayyib. On commence, mais on va pas tarder, inshallah ta'ala. On commence, inshallah ta'ala, par, naam, on commence, inshallah ta'ala, par, attendez, par Abu Maryam. Hayakallah, Abu Maryam, tafadlal. Et prenez le micro, inshallah ta'ala, pour poser la question. Et Abu Maryam, si tu veux poser directement la question, tafadlal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبو مريم tu préfères prendre le micro ou alors je lis la question inshallah ok السلام عليكم si une personne a appliqué le takfir sur une autre personne en ayant appliqué une règle générale sur un cas spécifique alors qu'il savait que des fois une règle générale n'est pas pareille dans un cas spécifique, mais qu'elle a donc appliqué ce takfir général sur un individu spécifique par erreur, en pensant que sur ce cas c'était pareil que la règle générale. Est-ce que cette personne rentre dans l'avis des savants qui disent que celui qui se trompe dans le takfir, ce takfir retombe sur lui, entre parenthèses, c'est-à-dire pour les savants qui sont d'avis que celui qui se trompe dans le takfir, c'est lui qui devient mécréant. Ou cette personne a-t-elle simplement commis une erreur et doit juste se repentir pour cela? Barakallahu fikoum. Cher, est-ce que vous avez compris, Inch'Allah, ou alors je relis? Très bien. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. A chaque fois que je reprends le micro, écrivez-moi un jazakumullah khairan. Naam, l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que cette personne qui jugeait comme ça les gens en se trompant, cette personne ne rentre pas dans le coffre. Et cette personne s'est seulement trompée. Cette personne s'est seulement trompée. Hein, il faudrait qu'elle demande à Allah Azza wa Jal de lui pardonner, hein, et qu'elle ne refasse plus cette chose. Et qu'elle apprenne son din bi-idnillah azza wa jalla. L'essentiel, c'est qu'elle se repente et qu'elle dise je suis trompée. L'impression que vous avez celui qui se trompe pour moi, ça revient sur vous. Naam, naam. Même pour ce cas. Même pour ce cas. Naam. Celui-là s'est trompé. Naam. Il croyait que c'était ça le din. Il l'a fait avec sincérité. Il l'a fait avec sincérité. Maintenant, il s'est trompé. Allah Azza wa Jal Ghafur Rahim, pour celui qui revient et regrette et inshallah ta'ala ne le refait plus. Naam. Jazakallah khair. Ubaydullah, tafadhali. Ubaydullah, est-ce que vous êtes là inshallah? Tapez 1 si vous êtes là. Sinon on passe à Saoudia inshallah. Cheikh, débloquez Saoudia inshallah. Saoudia, tapez 1 inshallah si vous êtes là. Naam, posez votre question inshallah. Vous laissez votre place à Nathan 237. Après, Inch'Allah, je n'ai pas de liste. Donc, Cheikh, yani, si vous voyez Nathan 237, enlevez-lui le raid, il va prendre le mic, Inch'Allah. Il est vers le bas. Vous lui donnez le mic après, Inch'Allah. D'accord. Donc là, cher, c'est la question de Saoudia, alors toujours. Donc Saoudia, posez votre question, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Saoudia, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Donc votre question, ce serait de savoir s'il existe uniquement trois formes de sunnah, c'est ça? Non. Tfadal, cher. La question, c'est de savoir s'il existe uniquement trois formes de sunnah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le plus connu, hein, quand on lit les livres, soit de Mustalah al-Hadith ou bien soit de Usul al-Fiqh, on trouve que la sunnah se divise en sunnah qawliya, fi'liya et taqririya. En sunnah qawliya, fi'liya et taqririya. D'autres ajoutent, na'am, sunnatu, Nabi sallam, al-khalqiya ou al-khuluqiya. Certains ajoutent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son caractère, comment qu'il était. Naam. Khalqiya ou khuluqiya, dans son caractère. Naam. Et yani comment qu'il était, il était gentil, il était doux, il était pas colérique, il était, et comme ça. Et d'autres ajoutent la sunna de son corps. Il était ni grand ni petit, il était large d'épaule, sallallahu alayhi wa sallam, la barbe noire, il n'avait pas de cheveux blancs, sauf quelques-uns qui se comptaient, les cheveux, ou bien jusqu'aux épaules, ou bien jusqu'aux oreilles, et comme ça. Certains ajoutent ces deux sunnas dans leur livre, mais ici, hein, ces deux sunnas ne rentrent pas dans la législation. La législation, c'est ce que nous demande Allah Azza wa Jalla de faire et ce que nous demande le prophète Islam de faire ou de ne pas faire, bien sûr. Reste les choses, les autres choses, si on les fait, on a des hasanats. Si on s'habille comme le prophète Islam, on a. Et si on ne les fait pas, on n'a pas de ithm, bi'idhnillah Azza wa Jalla, avec des détails, et inshallah ta'ala, qu'on dira un jour, comme ça, avec beaucoup de détails, parce que ça risque de donner des ambiguïtés. طيب هل سي بوسيبل دو ريكير لو حديث دو راغبه الفجر ريكير الحديث دو راغبه الفجر كومون ريكير جو ني با كومبري كومون ريكير لو حديث جو لافي با ايكري كومون جو في لو ريكير alors que je n'ai pas écrit. Est-ce qu'elle veut dire نعم واسمك مسلم essaie de m'expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire par là, je n'ai pas compris. تفضل. نعم الغرباء. Est-ce que tu es là, inshallah? يعني par rapport à la demande de la sœur, est-ce que tu peux t'en occuper, inshallah, réécrire inshallah sur l'écran le hadith, yani pour éviter de perdre du temps, inshallah. Est-ce que tu peux t'en occuper après? Si le cheikh répète. Non, le cheikh. Donc, cheikh, yani, si vous pouviez répéter le hadith, et le roulaba s'en occupera, inshallah, pour. Voilà, non, le cheikh. Yani, si vous pouviez le répéter, inshallah, le roulaba va s'en occuper pour l'écrire à l'écran. Tafadal, le cheikh. Taïb, je voudrais poser la question. Est-ce que elle veut que je répète le hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un en train de faire cette salate et il a acquiescé après lui avoir demandé pourquoi tu l'as fait. Celui-là, na'am, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir terminé la salate, a vu quelqu'un en train de faire sunnat al-fajr. Bien sûr, il ne savait pas que c'est la sunnah. Le prophète alayhi wa sallam ne savait pas. Na'am, il lui a dit ah, arba'an, ah. Arba'an, dans un hadith, il lui a dit tu fais la prière, tu fais la prière, l'autre, quand il a terminé, il a dit non, ya Rasulallah, c'était la sunna de Fajr que j'avais pas faite auparavant. Je suis en train de comment on dit quand on paye une dette, mon enquérir, je suis en train de la faire maintenant. Non, c'est la sunna du Fajr que je n'avais pas faite, je suis en train de m'en décharger maintenant. et le prophète Aslam s'y tue. C'est un hadith authentique, acquitté. Ça, ils sont en train de l'acquitter. Et le prophète Aslam s'y tue. C'est un hadith authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani. Vous trouvez ça dans Sahih Abi Daoud ou bien Sahih Tirmidhi. Naam, l'un des deux, mais je penche beaucoup plus vers Sahih Tirmidhi. Naam. Tayyib. Wafik. Lis-nous la question, inshallah ta'ala, de Umm Ubaydillah. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le livre Les Trois Fondements, dans le premier chapitre, concernant la science, nous est-il obligatoire de connaître les preuves concernant nos actes d'adoration, la salat, l'ouzo, etc. Tafadhal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, quand on lit un livre de science, hein, l'essentiel du livre, c'est quoi? C'est d'apprendre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et la chose qu'on doit faire, des fois on l'a fait avec nos mains et nos pieds, nos yeux et nos bouches, et des fois on l'a fait avec le cœur. Donc, dans un livre de dîme de science, on apprend ces choses. Ce que Allah Ta'ala aime et qu'il faudrait qu'on fasse, et ce qu'il déteste, il est, et on ne doit pas faire. Naam. Ou bien, on apprend par exemple les attributs d'Allah Ta'ala, les noms d'Allah, ceci. Ces choses-là, c'est ça l'essentiel. Maintenant, en ce qui concerne les délits et les preuves, ça, naam, c'est pour celui qui veut demander la science. Ce n'est pas obligatoire pour toi que tu connaisses le délit de la chose. Quand je dis pour que tu connaisses, non, je veux dire pour que tu l'apprennes. Ce n'est pas obligatoire pour toi. L'obligatoire, c'est quoi? C'est que celui qui m'apprend la chose me donne la preuve. Il me donne la preuve et je vois que la preuve est juste, la preuve n'est pas fausse, le hadith n'est pas faible. Hein? Ensuite, j'apprends cette chose elle-même, la chose, ce que Allah Ta'ala veut que j'apprenne. Mais le délil, ce n'est pas obligé. Le délil, c'est pour quelqu'un qui demande la science. Pas les boul'in, les ulama. Naam. Moi, si je suis tout juste, yani moyen ou la faible, c'est pas obligé pour moi de connaître le délit. L'essentiel, c'est quoi? C'est de connaître la chose elle-même. La chose, est-ce qu'elle elle se fait pas, elle est interdite, elle n'est pas interdite. Mais le délit, c'est pour qui? C'est pour les hommes de science, pour si jamais tu fais la polémique avec quelqu'un, il te dit donne-moi le délit. Moi, j'ai un autre délit. Ou bien, quand tu apprends aux gens le dîn, tu leur dis Allah Ta'ala a dit ceci, le prophète a dit ceci, il te dit, où est-ce qu'il a dit ça? Tu leur dis, cette chose est haram. Pourquoi c'est haram? Donne-moi la preuve. Tu dis, j'ai pas. Donc, quand tu dis, j'ai pas, tu ne vas pas convaincre les gens. Mais, pour celui qui ne peut pas, l'essentiel, ce n'est pas, comme j'ai dit, les délits, ce n'est pas les preuves. Mais l'essentiel, c'est la chose elle-même. Quant à la preuve, on la demande quand quelqu'un nous apprend. Quand quelqu'un nous apprend, on ne ferme pas les yeux et on lui dit, dis ce que tu veux, je vais avaler. Dis ce que tu veux, je vais avaler, je vais tout avaler. On dit non. Je lui dis, donne-moi tes preuves pour que pour que je te croie. Naam. Donne-moi tes preuves pour que je te suive. Sinon, car comme disent les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si on ne demandait pas les preuves aux gens dans le dîn, on ne leur demande pas la preuve, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde, ou bien quiconque, dira ce qu'il veut. Naam. Si moi maintenant, je m'assois devant vous, et vous ne me dites pas, s'il vous plaît, quelle est la preuve de ce que vous venez de dire? Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire ce que je veux. Naam. Ce qui me plaît, je vais le dire. Salat al-Dhuhr, c'est 3 rak'at, c'est pas 4. Naam. Le Ramadan, il faut jeûner les 15 premiers jours. C'est tout. Naam. Le Hajj, si tu vas au Hajj, tu as un péché. Naam. Et je vais dire des milliers de choses comme ça. Il n'y a pas la preuve. Je dis ce que je veux. Mais si, à chaque fois que je dis quelque chose, vous me dites, s'il vous plaît, d'où vous tenez cela, où est la preuve, alors là, personne ne parlera. Tout le monde se taira jusqu'à ce qu'il apprenne la science. C'est pour ça que les soufis et les Habash et les autres, qu'est-ce qu'ils font dès les premiers temps? Dès que une nouvelle personne rentre dans leur secte, qu'est-ce qu'on lui apprend dès le premier temps? On lui apprend que il ne faut jamais questionner celui qui t'apprend. Il ne faut jamais questionner le cheikh. Bien au contraire, tu dois t'imaginer chez lui, quand tu es devant lui, assis devant ses genoux, tu dois t'imaginer comme si tu étais entre les mains de celui qui lave le mort. Quand tu meurs demain, tu es entre celui qui te lave. C'est toi qui commandes ou c'est lui qui commande? C'est lui qui commande. Il veut commencer par te laver par la tête ou par les pieds. Il est libre. Il veut te mettre sur le flanc droit, le flanc gauche, il est libre. Ils disent comme ça. Quand tu es avec un cheikh, c'est interdit de lui poser une question. Vous voyez? Alors, quand on apprend à l'adepte comme ça, il ne pose jamais de questions. Et alors, lui interdisant de poser une question, je peux tout dire après. Il n'a pas le droit de poser de questions. Je peux tout dire. Certaines même leur apprennent que poser une question, ça rentre dans le péché. Et certains soufis vont plus loin. Ils te disent, attention, non seulement tu ne poses pas de questions, mais mieux encore, si tu vois le cheikh faire ce qui te paraît haram pour toi, sache que c'est parce que seulement tu ne connais pas la cause. Mais ce qu'il fait, c'est halal, c'est licite. Mais nous, on n'a pas la science. Cheikh, naam, vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez pas? Alhamdulillah. Naam, je disais que ils apprennent leurs adeptes de ne jamais poser de questions au cheikh. Et mieux encore, comme disent les soufis, si tu, il ne faut pas que tu dises c'est le haram, car tu ne connais pas les secrets qui sont cachés derrière. Ne pose pas de questions, ne cherche pas à comprendre. Si le cheikh boit de l'alcool, pour toi c'est de l'alcool. Pour lui, il sait pourquoi il l'a bu. Non. Alors, t'interdisant de poser la question, tu te tais. Tout ça c'était pour vous dire donc la réponse aux questions de yani, les dalils et les autres. تفضل ان شاء الله لو بروشا سي تاكي لو تور امين سي تاكي لو تور نعم جي نعم سي تا ام سونيا شيخ ام سونيا است كو votre question est complète ام عبيد الله است كو vous pouvez baisser la main ان شاء الله بارك الله فيكم ام سونيا است كو vous avez fini votre question نعم Tapez un, Inch'Allah, à la fin de la question. Monseigneur ? Et le haut, en fait, pour finir ma grossesse. Parce que c'est le début de la question. Monseigneur, pour finir ma grossesse, j'ai déménagé chez mes amis, etc. C'est le début de la question ? Ou ça n'a rien à voir ? Non, d'accord. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour finir ma grossesse, j'ai déménagé chez des amis en province l'été dernier. J'avais contacté un cheikh qui m'avait dit que j'étais considérée comme voyageuse puisque je comptais revenir à Paris et donc je pouvais raccourcir mes prières. Depuis que j'ai accouché, alhamdoulillah, je n'ai plus envie de remonter vivre sur Paris et je ne sais pas encore où aller vivre avec mon bébé. Entre parenthèses, son père et moi sommes divorcés. En attendant d'y voir plus clair dans ma situation, j'ai pris un appartement à mon nom depuis 3 mois. Ma question est, puisque le logement est à mon nom et que je réside dans cette ville, suis-je encore considérée comme voyageuse ou non? Barakallahu fik. Une sœur me demande en PV si vous pourriez lui fixer un rendez-vous, Inch'Allah, car elle a besoin de vos lumières. Bi'idnillah. Tfadal cheikh. Wa alaykoum salam. Pour la sœur, pour la sœur qui a loué maintenant un appartement, le mieux pour elle, Inch'Allah ta'ala, c'est la vie le plus juste, c'est qu'elle fasse la prière complète et non pas en voyageuse. Qu'elle la fasse complète. Al-Dhuhr 4, Al-Asr 4 et Al-Isha 4. Bi-idhnillahi azza wa jalla. Naam. Ensuite, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant qu'il t'aide pour que tu vois clair et te fasse sortir de ces problèmes. Quant au rendez-vous, inshallah ta'ala, qu'a demandé cette sœur et la sœur Amin, que Hier, j'ai attendu, mais sans me donner rien. Je ne sais pas pourquoi maintenant elle dit ça s'est coupé. Inch'Allah ta'ala, on laisse pour la prochaine fois, c'est-à-dire mercredi, bi'idhni 'azza wa jalla, mercredi après le dars. Quant à la sœur que connaît Sonia, si elle veut dire un rendez-vous par téléphone, je n'ai pas de téléphone. Je n'ai que le portable, je n'ai plus le fixe. Et le portable, je ne peux pas le donner. Car si je le donne, je dois payer avec la personne qui me parle. Et alors, puisque ceux et celles de France qui appellent téléphonent pendant plus d'une heure, imagine 50 personnes téléphonent chacun une heure, combien je vais payer pour le téléphone? C'est pour ça que, ou bien elle vient sur Internet, ou bien c'est toi qui lui redonneras la réponse, c'est-à-dire c'est toi qui restes après le dars, et je te dis ce que tu dois lui dire, bi'idhni ta'ala. Ou bien elle attend, dans 2 mois et demi, 3 mois, je serai, bi'idhni azza wa jal, définitivement en Algérie. Et là-bas, il y aura, inch'Allah ta'ala, un téléphone spécialement pour vous. Un téléphone spécialement pour vous. Et, et ce qui est bien là-bas, c'est que le téléphone là-bas, on ne paye pas. Quand quelqu'un m'appelle, je ne paye pas. C'est lui seulement qui appelle, qui paye. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On passe Allah ta'ala au suivant. Tafadhal. Naam, musulman normal. Tafadhal, inshallah. Salam alaykoum. Ma question. Il y a beaucoup de jeunes musulmans qui veulent se marier, utilisent ce moyen pour former des couples. Pouvez-vous nous donner des conseils sur ce sujet et quelle méthode employer pour se marier? Si ce n'est pas le sujet, je repose une autre question. Tafadhal, cher. Naam, cher. Je relis la question, inshallah. Salam alaykoum. Ma question, il y a beaucoup de jeunes musulmans qui veulent se marier, utilisent ce moyen pour former des couples. Pouvez-vous nous donner conseils sur ce sujet et quelle méthode employer pour se marier? Si ce n'est pas le sujet, je repose une autre question. Tfadr, cher. Yani, cher, en gros, il veut dire qu'il y a des personnes qui sont jeunes et qui veulent se marier. Yanni vous demande des conseils par rapport à ça. Yanni, c'est quoi les critères? En gros, c'est quoi les critères pour se marier? C'est bien ça, cher musulman normal, sur les salons de parole. Ah, d'accord. Non, en fait, il parle des chats, etc. Yanni, les salons publics où les gens peuvent se parler ensemble, etc. Donc il demande, Yanni, est-ce que c'est un bon moyen pour pouvoir se marier? Yanni, connaître des personnes. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Alhamdoulilah. Non, toute personne, non, qui veut se marier en connaissant une sœur, ou la sœur qui connaît un frère par chat et chatting et MSN et je ne sais pas quoi, non, tout cela, leur couple est voué, non, au divorce. Leur couple est voué, bi'idhni 'azza wa jal, au divorce. Non. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, Allah Ta'ala ne fait pas la baraka sur un mariage pareil. Ne bénit pas un mariage pareil qui a commencé par le haram. Allah Ta'ala ne va pas bénir un mariage qui a mal commencé. Non. Déjà, c'est le début. Non. C'est le début. Déjà, ça a mal commencé. Et deuxièmement, parce que, en règle générale, ceux qui sont cachés derrière les PC, les micros, ne montrent que les bonnes habitudes et les qualités. Non. Comme quoi, c'est le plus beau, le plus riche et le plus intelligent, et elle la même chose. Ensuite, quand on va à la vérité et à la réalité, c'est tout autre chose. C'est toute autre chose. C'est pour ça que les gens se trouvent choqués après quand ils sont en face de la vérité. Mais la plus grande raison, c'est la première. Car ça a rapport avec le din. Ça a rapport avec le din. Naam. Dans la sunna, quand quelqu'un voit une sœur et qu'il lui plaît, naam, il essaie de chercher où elle habite. Ensuite, quand il sait où elle habite, naam, il envoie sa mère directement pour demander après elle. Ou bien il envoie sa sœur. Naam. Ou bien il cherche c'est qui son frère. Et il rentre en contact avec son frère. Naam. Ou bien il envoie à cette fille, à cette sœur, il lui envoie, comme j'ai dit tout à l'heure, sa sœur, naam, qui va lui demander d'abord est-ce qu'elle n'est pas mariée et est-ce qu'elle voudrait se marier, etc. Ensuite, on passe directement au tuteur. On va au tuteur qui va bien nous éclaircir, naam, inshallah ta'ala, comment qu'on doit faire. Naam. Et que Allah Azza wa Jal nous aide et vous aide tous et toutes. Il vous facilite le mariage avec les pieux et les pieuses. Ibnna subhanahu wa ta'ala. Naam. Il est 23h20. 23h30, on arrête. Fadal, inshallah, le prochain. Abdel Nasser wa Anissa. Fadal, inshallah. Assalamu alaikum. Un frère s'est marié avec une convertie. Les parents n'étaient pas d'accord, sachant que cette personne ne faisait pas la salat. Les parents ont patienté. Aujourd'hui, ça fait 8 ans, la personne convertie ne veut toujours pas faire salat. Quel est le droit des parents et de ce frère? Doit-il écouter ses parents? Barakallahu fik. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Muslim, regarde, il a dit quel est le droit des parents et de ce frère? Doit-il écouter ses parents? Les écouter en quoi? Que veulent les parents? On n'a pas dit. Est-ce que les parents veulent de cette personne qu'il divorce? Est-ce que les parents veulent que son fils divorce? Dites-le-moi. Naam. La personne qui ne fait pas la salat. Naam. La personne qui ne fait pas la salat. L'islam ne permet pas de vivre avec elle. C'est-à-dire si l'époux ne fait plus la salat, son épouse demande le divorce. Et si l'épouse arrête la salat, son époux alors demande le divorce. Certains savants, si ce n'est pas beaucoup d'eux, disent que si une personne ne fait pas une seule salat, une seule, par exemple c'est salat al-Maghrib, elle dit je la fais pas, une seule, ensuite elle va faire l'Isha et elle fait pas le Maghrib, certains savants, si ce n'est pas beaucoup, disent cette personne est devenue kafir. En délaissant une seule salat, certains savants ont dit, de grands savants bien sûr, ont dit la personne est devenue kafir. Qu'en est-il? Celui qui ne la fait pas du tout. Naam. C'est l'une des plus, des causes les plus valables pour la femme de demander le divorce quand son époux ne fait pas la salat. Et quant à lui, elle ne veut pas faire la salat, alors il se sépare d'elle, yani d'une façon définitive. Donc je donne une nasiha à ce frère, s'il m'entend, il donne à son épouse un ultimatum. Il te dit, il lui dit, je te donne par exemple 3 jours ou une semaine, par exemple. Ou bien tu commences la salat, ou bien c'est le divorce entre nous. Si elle ne commence pas, il la divorce. C'est une femme qui n'a pas de bien. Laysa fiha khair. Naam. Une femme qui n'est pas bien et qui n'a pas de bien. Naam. Laysa fiha khair. Il la divorce bi idhna ta'ala. Tfaddal, inshallah, le prochain. C'est à qui le tour d'abord, dites-moi. Ummi Nasr. Tfaddal. Naam, barakallahu fikoum pour les. Nani pour les places perdues. Comme le Cheikh l'avait dit déjà au préalable. Si la personne a perdu sa place, elle posera sa question inshallah dans un prochain dars. Barakallahu fikoum pour votre compréhension. Inès, le Cheikh Nathan, il s'est déconnecté, il n'est plus là. Donc khair inshallah. Donc Inès, inshallah, posez votre question. Non, elle n'est pas passée. Yani, peut-être elle est trop longue. Faut la couper. Sinon, je vous ai ouvert le PV. Inch'Allah, vous me posez Vous faites un copier-coller sur la fenêtre où je vous ai mis en PV. Vous me la collez directement en PV. Donc c'est bon, je l'ai bien reçu. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Cheikh, un frère ayant divorcé il y a quelques mois s'est remarié avec une autre sœur. À l'annonce de ce nouveau mariage, l'ex-femme de ce frère ne supporte pas et se met à harceler ce dernier. Entre parenthèses, en l'appelant, lui envoyant des textos qu'elle ne devrait pas envoyer étant donné qu'elle n'est plus sa femme. Prétextant le fait qu'elle n'est plus sûre que ce dernier l'a réellement répudiée dans les règles. Donc j'attends la suite, Inch'Allah, ou Mines. Mines, vous êtes toujours là, Inch'Allah? Naam. Mettez la suite, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. L'ex-femme va jusqu'à proposer à ce frère de répudier sa femme actuelle, voire de la prendre, elle, comme deuxième épouse. Que conseiller au frère qui, par faiblesse, ne voulant pas lui faire de mal, l'écoute et répond à ses appels qui, de plus, par rapport à cette nouvelle situation, doute. Je précise que ce frère avait divorcé de sa première femme car elle lui demandait souvent de le répudier et qu'à la fin, il cédait à chaque fois. Donc, Cheikh Yani, la question est un peu longue. Donc, est-ce que vous voulez que je relis, Inch'Allah? Cheikh, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Non. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Un frère ayant divorcé il y a quelques mois s'est remarié avec une autre sœur. À l'annonce de ce nouveau mariage, l'ex-femme de ce frère ne supporte pas et se met à harceler ce dernier, entre parenthèses, en l'appelant, lui envoyant des SMS qu'elle ne devrait pas envoyer étant donné qu'elle n'est plus sa femme. Prétextant le fait qu'elle n'est plus sûre que ce dernier l'a réellement répudiée dans les règles. Donc l'ex-femme va jusqu'à proposer à ce frère de répudier sa femme actuelle, voire de la prendre elle comme deuxième épouse. Que conseillez-vous au frère qui, par faiblesse, ne voulant pas lui faire de mal, l'écoute et répond à ses appels, qui de plus par rapport à cette nouvelle situation doute? Donc ce frère, Yanni, il doute aujourd'hui. Je précise que ce frère avait divorcé de sa première femme, car elle lui demandait souvent de le répudier et qu'à la fin il cédait à chaque fois. Yani, il doute, à mon avis, Allahu a'lam, mais moi ce que j'ai compris c'est qu'il doute qu'il avait réellement répudié. Yani, Umines, confirmé, Inch'Allah. Doute, donc en privé, un midi, doute du fait qu'il a vraiment répudié. Donc c'est bien ce que je vous ai dit, cher. Donc Yani, à l'heure d'aujourd'hui, le frère, il doute, il ne sait plus vraiment si vraiment il l'a répudié ou il ne l'a pas répudié. Et aussi de ce qu'il doit faire actuellement. Il doute. Yani, il ne sait plus quoi faire, il est un petit peu perdu. Voilà, tout à fait, cher. Yani, c'est peut-être toujours sa femme. Yani, il ne sait même plus s'il l'a répudié ou s'il ne l'a pas répudié. C'est mon cher, vous avez compris, Inch'Allah? Où est-il, lui? Wallahu a'lam. Donc, Oumines, actuellement, est-ce qu'il vit avec sa nouvelle épouse? Ou alors il est seul ou... Inch'Allah, Oumines, vous pouvez directement écrire sur la room maintenant. Inch'Allah, ça passera directement. Cheikh, il pourra le voir. En fait, en ce moment. Cheikh, vous voulez prendre le micro directement, Inch'Allah, pour poser les questions? Donc, actuellement, il ne vit pas avec sa nouvelle femme. Donc il est remarié mais il vit pas avec elle. C'est bien ça? Non, le mariage est récent. D'accord. Donc cher moi, ce que j'ai compris, c'est que le frère, il s'est remarié, mais actuellement il vit pas avec sa nouvelle femme. Tfadal, cher. Walaykoum salam wa rahmatullah wa En fait, ce cas contient plusieurs choses. Non. La première des choses, c'est que quoi? C'est que le frère lui-même ne sait pas s'il a divorcé ou pas, subhanallah. Le frère lui-même ne sait pas s'il a divorcé ou pas et il doute. Il doute. Vous savez que la règle générale dit que quoi? Al-yaqinu la yazulu bi-shakk. Al-yaqinu la yazulu bi-shakk. quand une personne doute, elle s'est mariée, elle a fait le contrat de mariage, elle a fait la fête, ensuite elle doute. Elle se dit, je ne sais pas si j'ai divorcé ou pas, je crois que j'ai divorcé, etc. Et elle commence à douter. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit l'yaqin, la yazulu bishak, la règle. L'yaqin, c'est la certitude. La certitude ne tazul. C'est-à-dire, ne part pas, si je puis dire. Non. Ne part pas avec le doute. C'est-à-dire, la certitude est beaucoup plus forte que le doute. Pourquoi ? La certitude, il y a eu le mariage, il y a eu le contrat, il y a eu la fête, il y a eu les rapports que j'ai eu avec ma femme. Tout ça, ça va être emporté par un petit doute. Jamais. Naam, ça ne peut pas. Naam. Une seconde, inshallah ta'ala, une seconde, c'est important, hein, une seconde, c'est important. Non. Taïb. Est-ce que vous voyez, c'est écrit chez vous que je viens de bousser quelqu'un? C'est écrit chez vous que je viens de bousser quelqu'un ou là c'est pas écrit? Oui, non. Celui-là, c'est quelqu'un de mélangé. C'est-à-dire, c'est un égaré plein d'égarements. En même temps, c'est-à-dire, il est habèche. Et en même temps, il est chiite. Il est tout mélangé. Il a pris toutes les bid'as et les a mis dans son cœur. Celui-là. Il s'appelle simple. 3, c'est 5. Naam. Donc, celui-là, il faut en prendre garde. Il a dû sûrement, en rentrant ici, il a dû sûrement quoi ? Il a dû vous donner des PV. Surtout aux sœurs, surtout à ceux qui ont les PV ouverts. Ils te donnent des liens, etc., pour essayer d'égarer et d'attirer vers leur salon qui est ouvert maintenant. Laissez-moi vérifier, leur salon doit être ouvert. Laissez-moi vérifier une seconde. Naam. Naam. Leur salon est ouvert. Le salon, c'est une sagesse. Avec quoi ? Avec 43 personnes à l'intérieur. Le salon est ouvert avec 43 personnes à l'intérieur. Naam. Taïb, ils attendent quoi? Ils attendent que Naam, ils attendent que le que par exemple mon salon ferme pour qu'il fasse la fête. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Maalesh, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Moi avant de vous quitter, je vous laisserai dans hifzillah azza wa jalla. Hifz Allah, que Allah Ta'ala vous préserve. Sinon, je suis sûr qu'ils vont vous attirer. El Mouhim. Sauf ceux qui et celles d'entre vous qui ont, Inch'Allah, assez de science et sont anciens dans le Paltok et savent comment éviter les poisons des Habesh. Naam. Taïb. Je disais. Naam. Donc, ce frère, c'est pour ça que j'ai demandé s'il était là et s'il m'entendait. S'il était là, tu devais lui poser des questions directement pour entendre de lui et savoir s'il a divorcé ou pas. Car dans les questions de divorce, quand quelqu'un veut poser une question, il faut qu'il soit lui-même présent. Naam. Car quand il dit à une autre personne, va demander sur mon cas. L'autre personne qui va demander, si elle change un seul mot, tout a changé. Et des fois, celui à qui on pose la question a besoin d'autres facteurs pour pouvoir répondre. Or, le questionneur ne connaît pas les détails. Alors c'est pour ça que la personne elle-même doit être présente. Et moi je dis à cette personne, pour lui répondre si elle a divorcé ou pas, ce n'est pas de mon ressort. Car il faudrait que la personne soit présente et que je l'entende. Mais je réponds à cette sœur, je lui dis, donc, si maintenant il n'a pas divorcé, c'est que la première c'est toujours sa femme. Et si elle est toujours sa femme, elle a le droit, c'est son plein droit, de rester avec son mari. Naam. Mais ce qu'elle n'a pas le droit, c'est de lui dire divorce la nouvelle. Aucune femme en islam n'a le droit de dire à son mari, divorce la deuxième femme ou la première ou la troisième ou la quatrième. Si elle dit comme ça, elle a fait un péché. Aucune femme n'a le droit de dire divorce la deuxième femme, la troisième ou la quatrième ou la première. Mais si elle a des raisons valables, c'est elle qui demande son divorce à elle, pas le divorce d'une de ses sœurs. Reste maintenant quoi? Reste maintenant, ça c'est dans le cas où c'est toujours sa femme. Maintenant, si vraiment il a divorcé et ce n'est plus sa femme, il n'a plus le droit qu'elle lui envoie des SMS, il lui envoie des SMS, parce que c'est une étrangère pour lui et ce n'est plus sa femme. Ce n'est plus sa femme. Et il peut changer de numéro pour qu'elle ne le contacte plus, l'Ibn Azzawajal. Et il peut changer de numéro pour qu'elle ne le contacte plus, l'Ibn Azzawajal. Naam. Pour ceux qui demandent des PV, Inch'Allah Ta'ala, ce sera Inch'Allah Ta'ala pour le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala. Car maintenant j'ai rendez-vous avec quelqu'un très important. Naam. Ce sera pour le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, pour après-demain, l'Arbi'a, bi'idhna Azzawajal. Je dis subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et attention, attention, attention au salon des égarés et au salon des innovateurs et au salon de la bid'a. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.